Termina o dia da melhor maneira ouvindo a Antena Web. Às quartas e quintas-feiras, Carlos Bonaparte leva-o até à outra margem da vida. Outra Margem. Um programa onde a boa disposição se mistura com a música e as curiosidades com as efemérides. Outra Margem. Às quartas, das 21 às 22 e às quintas-feiras, das 20h30 às 22h. Só aqui na sua Rádio Antena Web. A Antena Web tem a honra e o prazer de apresentar... Tancredo e Trancado. Uma divertida série que não pode perder para rir a bom rir. Gravada no Brasil nos anos 50, passa agora na Antena Web 60 anos depois. Tancredo e Trancado. Aos sábados, às 22h, em Tempo de Teatro. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Sessão da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às 2h, a Antena Web dá-lhe 2 horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das 00h às 2h, sessão da meia-noite, na Antena Web. Na Antena Web também reservamos um tempo para a música clássica. Recital é o seu programa de música clássica que vai para o ar todos os domingos às 22h. A emitir do Brasil para Portugal, não perca Recital. Aos domingos, às 22h, na Antena Web. Olá, caro ouvinte, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição de Histórias da Eurovisão. O seu programa de 30 minutos que lhe traz músicas e curiosidades deste evento internacional da música. Chamo-lhe internacional e não apenas europeu, pelo simples facto de que nem só países europeus já participaram no Festival da Canção. Todos os países que façam parte da European Broadcasting Union podem participar. E estes não fazem obrigatoriamente parte do continente europeu. Exemplos disso são, por exemplo, Israel, Marrocos, Tunísia, Líbano, Roménia... Aliás, Roménia não, peço desculpa, Arménia. Alguns destes países já participaram. Nas próximas emissões... Vou trazer à antena a primeira participação dos 45 países que até agora já integraram este Festival Internacional da Canção. Desde 1956 e quase todos os anos entraram novos países para este festival. O que só indica uma coisa. Foi um grande sucesso. Por mais de meio século e ainda agora... O Festival da Eurovisão vai cativando cada vez mais espectadores um pouco por toda a Europa e não só. Hoje vamos centrar apenas no ano de 1956, porque, como é natural, todos os países que participaram foram estreantes. Assim foram os países das 3 primeiras músicas que se seguem. A França, a Bélgica e a Alemanha. Les cloches somme, tout qui rayonne, le plus beau jour de ma vie. Aujourd'hui, je me marie, ding dong, ding dong. Si maman pleure, c'est bientôt l'heure, et papa m'offre le bras. Nous partons à petits pas. Ding dong, ding dong. Les tout petits enfants me suivent gravement, portant ma robe sous mon voile blanc. Voici mon prince charmant, il sourit tendrement. Je m'avance vers lui, le cœur battant. Minute brève, comme en un rêve, nos deux êtres pleins d'amour vont être unis pour toujours. Ding dong, ding dong. Quel instant émouvant, je suis tout étourdi, puis ta main sur ma main. Simplement, j'ai dit oui. Orgon sourdine, tout s'illumine, le portail est large ouvert. Nous sortons sous le ciel clair, ding dong, ding dong. On nous admire. Et j'entends dire, regardez qu'elle est jolie, comme ils sont bien assortis. Ding dong, ding dong, un doux bonheur mettra, tandis que sur ma main, tes yeux caressent mon anneau d'enfant. L'espace d'un instant, je refais le serment de vivre pour t'aimer fidèlement. Les cloches sonnent, tout carillonne, pour que jamais je n'oublie le plus beau jour de ma vie. Ding dong, ding dong. Ma ville est là, aussitôt que je le fuis, il est là. Au contraire, j'ai beau lire, je ne vois que son sourire qui toujours semble me dire, je suis là, je suis là. Approché dans tous mes rêves, il est là, et me poursuivant sans trêve, il est là. Il a le pouvoir du diable qui règne sur ses semblables, mais quel pouvoir formidable, il est là, il est là. J'ai tout tenté pour l'oublier, j'ai traversé le monde entier, mais aucun homme ne m'a donné une telle part d'éternité. Je ne peux changer ma vie, il est là, aussitôt que je le fuis, il est là. Il est extraordinaire, et puis comme il sait vous plaire, non, il n'y a rien à faire, il est là, il est là. Par tous ses yeux, par tous ses lèvres, je sens en moi comme une fièvre. Tout mon être est anéanti et tout le temps je me redis, je ne peux changer ma vie, il est là. Aussitôt que je le fuis, il est là. J'ai beau faire, j'ai beau lire, je ne vois que son sourire qui toujours semble me dire, je suis là, je suis là. Quand je marche dans la rue, il est là. Au milieu de la cohue, je le vois. Il a sur moi une emprise qui me fait peur et me grise, et ma volonté se brise, il est là, il est là. Oh, j'ai vraiment tout essayé, sans jamais pouvoir me passer ni de son corps, ni de ses baisers. C'est impossible de ne pas l'aimer, je ne peux changer ma vie, il est là. aussitôt que je le fuis, il est là. Et jusqu'à ma dernière heure, jusqu'à mon dernier quart d'heure, une seule chose demeure, je le verrai là devant moi. À tout jamais, il sera là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Sonntag mit Jimmy, am Montag mit Jack, am Dienstag, da gehst du mit Johnny weg. So geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht. Das hätte ich nie, nie, nie von dir gedacht. Ich schenk dir Blumen und fahr dich ins Büro, führ deine Mutter jeden Sonntag in den Zoo. Doch dich bringt am Mittwoch der Billy nach Haus, am Donnerstag gehst du mit Tommy aus. So geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht. Das hätte ich nie, nie, nie von dir gedacht. Als Baby schon geliebt, jetzt hab ich Boogie und den Cha-Cha-Cha geübt. Doch du tanzt am Freitag mit Ben, Samstag mit einem, den ich nicht mal kenn. So geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht. Das hätte ich nie, nie, nie von dir gedacht. Doch wenn du gedacht hast, ich sitze zu Haus, ich geh jeden Tag mit ner anderen aus. So geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht, so geht das jede Nacht. Das hättest du nie, nie, nie von mir gedacht. Pois é, pensava que iríamos repetir as músicas da primeira edição. Nada disso. É que em 1956, e como na altura referi, os países representantes poderiam levar duas músicas. É verdade, isso só aconteceu uma única vez. E foi precisamente no ano de estreia, no ano de 1956. Foram 7 os países que se estrearam. Na Bélgica, o tema que ouvimos foi de Moni Marc e chama-se Le Plus Beau Jour, aliás, Le Plus Beau Jour de Ma Vie. Depois, a voz de Dauberson, que nos fez ouvir e deliciar Il est là. Ficamos por fim com a participação da Alemanha, já que a anterior foi da França. Ficamos com a participação da Alemanha, a segunda música, o tema Zu geht das jede Nacht, uma música interpretada por Freddy King. Seguimos esta emissão com a representação da Suíça, o tema Refrain, na voz de Lisa Sia. Ficamos depois com Les Amants de Minuit, a segunda música do Luxemburgo, interpretada por Michel Arnaud. E finalizamos com For Good, For Bay, a música de Cory Broken, participação da Holanda. O segundo tema que os holandeses levaram ao Festival da Canção, ao Festival da Eurovisão, no ano de 1956. Oh. sur les sentiers où tu prenais ma main. Tous en sont allés et nous avons grandi. L'amour nous a blessés, le temps nous a guéris. Mais seul et sans printemps, je cours enfin les bois, les champs. Dis-moi nos amours d'autrefois. Les années passent, tirent d'elle, et sur les toits de mon ennui coule la pluie. Où sont parties les caravelles, volant mon cœur, portant mes rêves vers ton oubli? J'aurais voulu que tu reviennes comme jadis, porter des fleurs à ma persienne et ta jeunesse en mon logis. Regret de mes 20 ans, chagrin, mélancolie de n'être plus enfant. Mais seul et loin de toi, par les chemins où tu n'es pas, je vais pleurer. Les amants de minuit par hasard. Bonheur ou malencontre, seule c'est la nuit. À l'angle de deux rues, au table d'un café, au long d'une avenue, deux ombres sont venues. Et puis, les jeux sont faits. Pas de mots. Pas de baiser perdu, pas d'aveu difficile, ni de cœur mort fondu, ni des secondes idylles. À l'aube sans retour, les amants désapprennent leurs noms et leurs amours, elles valent les miennes. Par tant de jours, les amants de minuit par hasard se rencontrent, par hasard se rencontrent. Et quant à ce qui suit, bonheur ou malencontre, seul c'est la nuit. Si leur cœur se donne un peu plus qu'une nuit, qu'il n'y aura personne, personne entre elle et lui, pour leur crier mal d'homme. Les amants de minuit, par hasard, se rencontrent, par hasard, se rencontrent. lief. Wat heb ik jou gedaan? Voor goed, voorbij. Gesloten zijn je ramen, maar net als toen zie ik die oogjes staan. De hele wereld geurt, de lentebloesem kleurt. Ach, waarom is er ieder jaar een nieuwe mei? Niets voor mij, voor goed, voorbij. De lente van mijn leven, dat lachend getij, is alles voorbij. Voor jou was het maar schoon, ik weet heel goed, je hebt het niet anders bedoeld. Maar ik meen het wel, ik heb het maar al te diep gevoeld. E está a chegar o final de mais uma emissão de Histórias da Eurovisão, a terceira desde que iniciamos. Vamos finalizar com a participação da Itália, no ano de 1956. Foi o sétimo país a estrear-se neste evento. Naturalmente, porque como disse, este foi o primeiro festival da Eurovisão. Portanto, todos os países foram estreantes. Na próxima edição vamos abordar os países restantes até ao ano de 1960. Vamos conhecer, por exemplo, a participação do Mónaco, que apesar de ser território integrante francês, tem a sua autonomia e é um principado e, portanto, pôde concorrer separadamente da França. Mas isso já são outras histórias, já é para depois, na altura, falar disso com o respectivo pormenor. Para já é mesmo música, ou melhor, é mesmo a participação da Itália que fecha esta emissão. A música chama-se Amami Si Vuoi e é uma interpretação de Tonino Torielli, com a qual fechamos a terceira edição de Histórias da Eurovisão. Eu sou o Carlos Bonaparte, hoje é 3 de abril de 2010, aqui na Antena Web. Quero que saiba que foi um prazer estar consigo e trazer-lhe mais histórias, mais curiosidades sobre a Eurovisão. Da minha parte e sobre esta emissão é tudo. Até para a semana. Mi piace tanto accarezzarti, sugli occhi timidi baciarti. Ma non mi sento di giurarti, se tu mi chiedi eterno amor. Abbandoniamoci al destino, soltanto lui non sa ingannare. E se rimango a te vicino, non lusingarti, ma non disperare. Baci miei, non fidarti mai, io son l'amor che ferisce. E quando fra le braccia mi stringi dolcemente, ancor più dolcemente ti dirò: amami se vuoi, tienimi se vuoi, perché io son così. Tienimi se vuoi, perché io sono.